Nyang. Vous voudrez, madame, monsieur, nous excuser de ces deux minutes de retard. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. C'est ce mercredi 16 juin que sera célébrée la journée dédiée à l'enfant africain. Dans cette édition, on parlera des droits des enfants en commune Kirundo et on revient sur les déclarations du ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions. Et des habitants de la province Cibitoke demandent la réouverture de la frontière burundo-rwandaise de Ruhwa, se référant sur la réouverture hier des frontières burundo-tanzaniennes de Mugina et Kobero. Le reportage du jour nous conduira en commune Kayogoro de la province Makamba, où des personnes vivant avec handicap œuvrent en coopérative pour la fabrication du savon. La chronique santé est relative à la prise en charge des dysménorrhées avec le docteur Gilbert Nibitanga, gynécologue. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Kiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, insuffisance de structures de soins comme les hôpitaux en commune Mugamba de la province Bururi. Certains habitants de cette commune disent qu'en cas de maladie, doivent se rendre à d'autres hôpitaux situés à plus de 20 km. Pour résoudre ce problème, une clinique dénommée Ubuntu Village of Life a été ouverte officiellement hier au chef-lieu de cette commune et cela contribuera à améliorer la situation à la santé des habitants de Mugamba et d'ailleurs, d'après les responsables administratifs dans cette province. Le point avec Laurent Dikuriyo. Au chef-lieu de la commune Mugamba de la province Bururi, il y a un seul centre de santé publique de Muramba. Selon certains habitants rencontrés au chef-lieu de cette commune, pour certains services, ils sont obligés de se rendre à l'hôpital de Matana situé à 20 km ou à l'hôpital d'Igenda ou l'hôpital de Guibaga situé à 25 km. Ils soulignent que le voyage exige le paiement du ticket de transport et même les frais de séjour lorsqu'ils se rendent à Bujumbura. Cela est confirmé par l'administrateur de la commune Mugamba, Venus Tenaombaye. Il ajoute qu'en cas de besoin, l'ambulance provient de l'hôpital de Matana. Ce lundi, une clinique privée dénommée Ubuntu Village of Life a été ouverte officiellement au chef-lieu de la commune Mugamba. Docteur Alexis Nizigimana, responsable de cette clinique, dit que cette clinique pourra accueillir plus de 120 000 personnes originaires de la commune Mugamba et celles des communes environnantes. En trois mois d'essai, cette clinique a déjà reçu plus de 5 000 personnes. Plus de 1000 personnes ont été reçues dans le service d'ophtalmologie et 100 femmes ont accouché à cette clinique. Docteur Alexis Nizigimana dit que cette clinique a un problème d'exiguïté de locaux, mais il y a un projet d'extension car ils ont reçu de l'État un terrain de 7 hectares pour cette fin. Certains matériels médicaux manquent encore selon le responsable de cette clinique. Le gouverneur de la province Bururi, colonel Leonidas Bandenzamaso, demande à la population de cette commune de se confier à cette clinique car la santé est la base du développement. Depuis le chef-lieu de la commune Mugamba, Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Du sud du Burundi en province Bururi, rendons-nous au nord, en province Kirundo, pour parler droits des enfants et s'observer des mineurs employés dans des activités rémunératrices. Dans cette province de Kirundo, des parents expliquent qu'ils ne sont pas au courant de l'interdiction d'employer les enfants dans des activités rémunératrices. La coordinatrice adjointe du Centre de développement familial et communautaire à Kirundo, Ancile Bizimungu, fait savoir que des cas d'enfants de cette catégorie portés à leur connaissance sont ramenés chez eux. Une situation s'observant à la veille de la célébration de la journée mondiale dédiée à l'enfant africain. Le point avec Jean de Dieu Irakoudz. Des mineurs employés dans des activités rémunératrices s'observent en province Kirundo. Nyonyeshu Lionel, âgé de 13 ans et de la troisième année primaire, à la sortie de la classe, il exerce le commerce ambulant d'arachide pour le compte de quelqu'un et cela dure une semaine. Pour lui, il le fait pour gagner de l'argent. Je me rends faire du petit commerce après l'école et après avoir effectué les travaux ménagers. Et après avoir effectué les travaux ménagers comme puiser de l'eau. J'ai pris l'exemple des autres enfants quand j'ai remarqué qu'ils gagnaient assez d'argent parce que je voulais moi aussi gagner de l'argent. Ndoyezu Emmanuel, âgé de 16 ans, Iya et moi, il est gardien de vaches après l'abandon de l'école en 5e année primaire. Selon lui, il a été refoulé par son père qui lui a exigé de se procurer de l'argent après avoir fait paître dans les plantations de truies. Pour lui, son travail est pénible. possible. Cette femme pense que seuls les intellectuels savent qu'il est interdit d'employer un mineur dans des activités rémunératrices. Et Ancile Bizimungu, directrice adjointe du Centre de développement familial et communautaire dans la province de Kirundo, fait savoir que les cas d'enfants de cette catégorie portés à leur connaissance sont retournés dans leur famille. Ces enfants sont sollicités parce qu'ils demandent peu d'argent, qui ne vont même pas être payés. Quand on est mis au courant d'une telle situation, nous collaborons avec les associations de défense des droits de l'enfant pour effectuer une descente dans ce ménage afin de s'enquérir de la situation. Les employeurs rétorquent que venir travailler, c'est de l'initiative de l'enfant, mais souvent, on fait retourner l'enfant chez eux. Les mineurs employés dans des activités rémunératrices dépassent le nombre de 100 dans la province de Kirundo, selon ce responsable chargé du développement familial. Jean de Dieu, Irakoze, parlant toujours de cette journée dédiée à l'enfant africain, l'adoption des politiques nationales de la protection de l'enfant et la mise en place de la police des mineurs sont certaines des initiatives réalisées par le gouvernement burundais dans le but de protéger les enfants. La déclaration est de l'inspecteur général ayant la solidarité dans ses attributions à la veille de la célébration de cette journée. Célestin Cindy Woutoumé informe qu'au Burundi, cette journée sera célébrée demain à Maramvia, au site Sobel, dans le but de compatir avec les enfants touchés par les inondations de Gatumba et Kajaga. Et c'est une journée en mémoire des enfants de Soweto assassinés en 1976 sous le régime de l'apartheid. Je vous prie de le suivre. La commémoration de la journée de l'enfant africain en date du 16 juin de chaque année offre l'occasion de garder en souvenir le massacre des enfants de Soweto en 1976, ayant manifesté simplement pour revendiquer leur droit à l'éducation. C'était du temps du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Le thème proposé cette année est retenu pour notre pays pour l'année 2021 et 30 ans après l'adoption de la charte, accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. En effet, le gouvernement du Burundi connaît un progrès satisfaisant en ce qui concerne la protection des enfants. Il y a lieu de citer l'adoption de la politique nationale de la protection de l'enfant, la mise sur pied de la police des mineurs, les initiatives communautaires de prise en charge des enfants vulnérables, la réinsertion des enfants en situation de rue et de mendiant, la création de 3 centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi pour une justice adaptée aux enfants, la mise en place du Forum national des enfants du Burundi, sans oublier la continuité de la gratuité de la scolarité de l'école fondamentale et des soins de santé des enfants d'au moins de 5 ans. Dans notre pays, la célébration de la journée Olarie en date du 16 juin 2021 à Maramvia, en commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura, au site Sobel, qui héberge un bon nombre d'enfants victimes des inondations survenues récemment. Bonne fête à tous les enfants du Burundi et de toute l'Afrique. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h05 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Manque de latrine à la plage dite olympique de la zone Kanyosha. C'est au sud de la capitale économique Bujumbura. Les pêcheurs indiquent que des latrines qui possédaient ont été emportées par la montée des eaux du lac Tanganyika et ceux qui exercent leurs activités sur cette plage craignent d'éventuelles maladies liées au manque d'hygiène. Du côté de l'administration en commune urbaine de Moura, l'on informe être au courant de cette situation. Des votes. Ndaï Senga, administrateur de la commune urbaine de Moura, signale qu'il va bientôt que ce problème va bientôt être résolu. Les précisions avec Omer Ndouayo. Cette plage de pêche s'étend sur une superficie qui est autour de 3 hectares. Sur le sable du lac, bistrot, restaurant et étalage de séchage se suivent. Plus de 4000 pêcheurs séjournent sur cette plage au quotidien, à qui s'ajoutent les vendeurs et acheteurs de poissons, estimés autour de 1000 personnes chaque jour. Tout autour de cette plage se trouvent des étendues de champs de manioc où se soulage toute cette population. pêchions. Ici, il y a bars et restaurants et plus de 4000 pêcheurs et 1000 clients se rassemblent ici chaque jour et doivent avoir besoin des lieux d'aisance. Ils se soulagent dans ces champs de derrière. C'est déplorable. La seule chance que nous avons est que nous sommes dans la saison sèche, sinon on attraperait de maladies des mains sales. Si il y a manque de latrines, c'est pas la volonté ou les moyens qui manquent, comme l'explique Deocracia Sibaranikwa, président de cette plage de pêche, qui déplore le manque d'espace suite à un intrus qui s'est approprié l'espace disponible. Quelqu'un est venu disant que le gouvernement lui a offert 8 hectares sur cette plage. Quand nous avons commencé à construire des latrines, il les a démolies alors que l'administration nous a donné une autorisation de les construire. Nous avons à peu près 4 mois ici sans avoir de lieu d'aisance. Nous demandons l'intervention des autorités habilitées. L'administration dit être au courant de cet état des faits et qu'une solution est en passe d'être trouvée. Rassure Devote Ndaisenga, administrateur de la commune Mouha. L'administration est en train de suivre pour que la population d'Oumiéra olympique ait des toilettes. Je ne peux pas dire que c'est demain ou après-demain, mais nous sommes en train de suivre. Le manque de latrines sur cette plage de pêche est la conséquence de la montée des eaux du lac Tanganyika qui a envahi et détruit les sanitaires qui y étaient construits. Omera Ndouaye de la mairie de Bujumbura rendons-nous beaucoup plus à l'ouest du pays en province Cibitoke où les habitants de cette province empruntant la frontière burundo-rwandaise de Ruhwa pour se déplacer vers le Rwanda demandent l'ouverture de cette frontière comme cela a été fait pour les frontières de Mugina et Kobero. Et certains de ces habitants au micro de la radio Sangane disent que l'ouverture de cette frontière permettra le renforcement des relations commerciales avec les voisins du Rwanda. Les transporteurs qui déplaçaient les personnes passant par la Ruhwa signalent que le chômage qui les enferme va diminuer. Suivez-les au micro baladeur de Jackson Bahati. Tumaze kubyumva ko bwo urumva patwa gatumba n'imipaka yo guntari kwa Tanzania byatuguye neza cyane tubinezererwa turavuga tuti quand nous avons entendu les nouvelles concernant la réouverture du poste frontière d'Ogatumba et celle des postes frontières avec la Tanzanie, nous nous sommes réjouis, pensant que du côté de notre poste frontière de Ruhwa avec le Rwanda les choses allaient être de même. Nous avons attendu mais en vain, ce qui a entamé notre enthousiasme. Nous ne savons pas pourquoi le poste frontière de Ruhwa Bugarama ne peut être rouvert aussi. Nous demandons que les présidents respectifs du Burundi et du Rwanda puissent se mettre d'accord pour une réouverture des frontières. Avant, nous pouvions faire du commerce en exportant du maïs et des mandarines vers le Rwanda et gagner de quoi vivre. Qu'ils fassent comme ils ont fait pour les autres postes frontières pour que les activités puissent reprendre de nouveau et permettre l'entrée des devises. Nous sommes des évrés, nous voulons une réouverture des frontières burundo-rwandaises pour que nous puissions nous réjouir. Je croyais que la prochaine étape était la réouverture de Ruhwa, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Nous voulons une reprise des relations entre le Burundi et le Rwanda. L'avantage est énorme en termes d'échange de marchandises. Nous avons des produits complémentaires. Vraiment, ici en commune Rugombo, nous sommes comme des détenus. Même la circulation des véhicules entre les deux pays a été paralysée et cela a impacté mon travail de conducteur. Poursuivons cette édition à 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Tous les bateaux de pêche œuvrant dans les eaux du lac Tanganyika doivent désormais porter le numéro d'immatriculation lors d'une réunion d'échange sur la sécurité maritime ce mardi. Jacques Wigilimana, directeur général du port de Bujumbura et président de la commission nationale et le président de la commission nationale à charge de la sécurité maritime ont indiqué que cette mesure va faciliter le renforcement de la sécurité maritime, car des malfaiteurs utilisent souvent la voie maritime, selon lui, pour envahir le pays. Et le ministère burundais de la Santé publique a organisé la campagne Semaine Mère Enfant de 3 jours à partir de mercredi 16 juin jusqu'au 18 courant. Annonce faite ce mardi par l'assistant du ministre de la Santé lors de l'atelier média sur l'organisation et la mise en œuvre de la Semaine Mère Enfant, première édition 2021, couplée à la 11e semaine africaine de vaccination. Docteur Onesfor Nzigirabadia précise que les enfants de 6 mois à 14 ans auront l'albendazole ainsi que des femmes enceintes depuis 3 mois. Il interpelle les administratifs à contribuer dans la mobilisation de la population. Et après une courte pause, c'est la chronique santé de ce mardi. Radio Isanganiro, chronique santé. Le traitement des dysménorrhées symptomatiques, lors de notre précédente chronique, Dr Gilbert Anibitang, gynécologue, avait expliqué que la dysménorrhée peut être due à une anomalie de l'utérus ou peut ne pas être causée par aucun trouble gynécologique. Ce spécialiste conseille les femmes et filles touchées par cette maladie de consulter à temps les médecins pour éviter les complications comme un problème de fertilité. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Lamouch. Il y a des examens faits chez une femme souffrant d'une menstruation douloureuse. Dr Gilbert Nibitanga, gynécologue, précise aussi qu'un examen gynécologique peut être effectué afin de vérifier l'absence de malformation ou d'une affection comme l'endométriose. Chaque fois qu'elle suspecte ou bien qu'elle est constante des douleurs, il faut aller consulter parce qu'on n'en sait pas la cause pour que le médecin puisse le consulter puis le dire quelle est la cause ou bien le soigner avant que la maladie s'aggrave. Quand une femme ou une jeune fille qui a des douleurs pendant les règles, nous lui demandons l'amnèse, c'est-à-dire nous prenons l'histoire de la maladie pour savoir comment la maladie a évolué dès au début jusqu'à présent. Et après avoir fait ça, il y a des examens paracliniques qu'on peut demander. Il y a par exemple les bilans sanguins, il y a aussi les échographies, les examens radiologiques pour savoir d'où vient exactement cette pathologie-là qui est en train de douler les menstruelles. Après avoir détecté la cause, le traitement de la dysménorrhée est adapté à l'intensité des symptômes. Donc, la prise en charge dépend de l'étiologie de ces douleurs. Donc, je peux dire, par exemple, pour les dysménorrhées primaires, on peut les traiter avec des antispasmodiques, des antidouleurs pour soulager la jeune fille ou la femme. Mais au cas où la patiente en question présente des dysménorrhées secondaires qui sont dues à des pathologies pelviennes, il faut traiter la cause. Parce qu'il peut arriver que ces dysménorrhées sont dues à l'endométriose, il faut traiter l'endométriose. Ou bien si ces dysménorrhées sont dues au fibromes, aux infections, il faut traiter en tout temps, en se basant sur les causes de ces pathologies-là. Cette maladie peut entraîner des complications une fois maltraitées telles que l'endométriose. Pour les dysménorrhées primaires, comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Il n'y a pas de moyen de prévention, il n'y a pas de vaccin pour prévenir ça. Ce sont des choses qui surviennent comme ça. Donc, ça n'est pas des individus. Il y a déjà qui peuvent avoir des dysménorrhées. Pour les dysménorrhées secondaires qui sont des infections, il faut éviter les infections pour ne pas avoir ces dysménorrhées secondaires. Mais tout en sachant que les dysménorrhées qui sont des arendométrioses, il n'y a pas de prévention pour ça. Ou bien les fibromes. Ce sont des pathologies qui peuvent survenir d'une manière génétique ou d'une autre manière. Pour soigner et prévenir l'apparition des règles douloureuses, le patient doit adopter un mode de vie sain tel que reposer quand la douleur est trop intense, pratiquer une activité physique comme la marche, comme nous le trouvons sur le site internet. Il est également conseillé d'éviter une alimentation riche en sel, le café, l'alcool et le tabac, surtout pendant la période prémenstruelle. À la source, reportage. Le reporter du jour nous conduit en zone commune Kayogoro, en province Makamba, où se trouvent des personnes vivant avec handicap physique regroupées dans les coopératives Twite Zimbere, Tkungubumwe, et reconnaissent l'apport de ce travail, expliquant pouvoir satisfaire les besoins de leur famille et éviter l'oisiveté. Ces handicapés physiques appellent d'autres à se réunir en groupement pour ne pas désespérer. Le point avec Eli Nibele Nibigira. Ils vivent avec handicap physique, soit au niveau des bras ou des jambes. Aujourd'hui, ils sont regroupés dans les coopératives Twite Zimbere et Tkungubumwe. Jean Bosco Nzorutwanayo est père de 5 enfants qui a intégré cette petite savonnerie. Il reconnaît l'apport de son métier, expliquant qu'avant, il vivait dans l'oisiveté. Une annonce nous a appelés et ils ont fait passer un recensement aux personnes handicapées. Ils nous ont attribué trouver ce métier car ils ont trouvé que c'était des articles qui se vendent très facilement. Moi, j'étais un chômeur qui passait ses journées à la maison, mais Dieu m'a fait grâce. On nous a appelés et ils ont opté de nous donner un métier qui peut nous épauler. Suite à leur handicap physique, chacun s'occupe d'une tâche qui lui semble facile pour se compléter, mais ils connaissent des défis matériels, indique Jean-Bosco Nzorutwanayo. Vu que nous sommes nombreux, nous prenons un métier que nous pouvons faire. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai appris le métier. Si on me demande de fabriquer du savon, je suis capable de le faire. Ce qui nous cause des problèmes, c'est avoir de l'acide et de l'huile, mais c'est surtout l'acide qui nous fait souvent défaut. Nous devons nous rendre à Bujumbura pour l'avoir. Notre souhait est qu'on nous aide pour nous en procurer. À part le manque du matériel, la charte de l'huile de palme ne les écarte pas. Et où ils s'en approvisionnent, il y a une forte demande, regrette Annonciate Baïsabe. Et puis, l'huile devient de plus en plus chère. Au début, elle coûtait 2000 francs, maintenant elle est à 2700. Des fois, nous manquons ou nous en procurer, car nos fournisseurs ont beaucoup de clients. Cela fait que nous passions beaucoup de jours sans travailler, car nous avons manqué de l'huile. Cette femme vivant avec handicap a fait d'autres gens, vivant avec handicap physique, à ne pas se désespérer, mais plutôt surmonter cette situation. Ces coopératives de personnes vivant avec handicap, Tuite Zimbele et Trungubumwe, qui s'occupent de la savonnerie, comprennent près de 30 membres. Merci à notre reporter. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.